ses bras. Elle me parlait tout bas, je vois la vie en rose. Elle m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Il me l'a dit, ma journée pour la vie. Et dès que je la fais ça, alors je t'en donne à mon cœur qui va. La la la la la la la la la la la, je vois la vie en rose. Elle m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça en fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, ma journée pour la vie. Et dès que je la fais, alors tu es dans ma cœur. La la la la la.